L'ami de l'officier. L'officier rentre parfois avec un ami, un autre officier plus jeune. Ils passent la soirée ensemble et l'ami reste aussi pour dormir. Nous les avons observés plusieurs fois par le trou pratiqué dans le plafond. C'est un soir d'été. L'ordonnance prépare quelque chose sur le réchaud à alcool. Il met une nappe sur la table et nous y disposons les fleurs. L'officier et son ami sont assis à la table. Ils boivent. Plus tard, ils mangent. L'ordonnance mange près de la porte, assis sur un tabouret. Ensuite, ils boivent encore. Pendant ce temps, nous nous occupons de la musique. Nous changeons les disques et nous remontons le gramophone. L'ami de l'officier dit « Ces gamins m'énervent. Fous-les dehors. » L'officier demande « Jaloux ?» L'ami répond « De cela, grotesque, ce petit sauvage !» Ils sont pauvres, ne trouves-tu pas ? Peut-être. Je ne les ai pas regardés. Tiens, tu ne les as pas regardés. Alors, regarde-les. L'ami devient rouge. Que veux-tu à la fin ? Ils m'énervent avec leur air sournois. Comme ils nous écoutent, nous épient. Mais ils nous écoutent. Ils parlent parfaitement notre langue. Ils comprennent tout. L'ami devient pâle et se lève. C'en est trop, je m'en vais. L'officier dit, ne fais pas l'imbécile. Sortez, les enfants. Nous sortons de la chambre, nous montons dans le calta. Nous regardons et écoutons. L'ami de l'officier dit, tu m'as rendu ridicule devant ces gamins stupides. L'officier dit, ce sont les deux enfants les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. L'ami dit, tu dis ça pour me blesser, pour me faire mal. Tu fais tout pour me tourmenter, pour m'humilier. Un jour, je te tuerai. L'officier jette son revolver sur la table. Je ne demande que ça. Prends-le, tue-moi, vas-y. L'ami prend le revolver et vise l'officier. Je le ferai, tu verras, je le ferai. La prochaine fois que tu me parlerais de lui, de l'autre, je te tuerai. L'officier ferme les yeux, sourit. Il était beau, jeune, fort, gracieux, délicat, cultivé, tendre, rêveur, courageux, insolent. Je l'aimais. Il est mort sur le front de l'Est. Il avait 19 ans. Je ne peux pas vivre sans lui. L'ami jette le revolver sur la table et dit « Salaud !» L'officier ouvre les yeux, regarde son ami. Quel manque de courage, quel manque de caractère. L'ami dit « Tu n'as qu'à le faire toi-même si tu as tant de courage, si tu as tant de chagrin. Si tu ne peux pas vivre sans lui, suis-le dans la mort. Tu voudrais encore que je t'aide ? Je ne suis pas fou. Crève ! Crève toute seule ! » L'officier prend le revolver et l'appuie contre sa tempe. Nous descendons du calta. L'ordonnance est assis devant la porte ouverte de la chambre. Nous lui demandons « Vous croyez qu'il va se tuer ?» L'ordonnance rit. Vous, pas avoir peur. Eux, toujours faire ça, qu'on trop boire. Moi, décharger du revolver avant. Nous entrons dans la chambre, nous disons à l'officier, nous vous tuons si vous le voulez vraiment. Donnez-nous votre revolver. L'ami dit, petit saligou. L'officier dit en souriant, merci, vous êtes gentil. En jouez seulement. Allez dormir. Ils se lèvent pour fermer la porte derrière nous. Ils voient l'ordonnance. Vous êtes encore là ? L'ordonnance dit. Je n'ai pas reçu la permission de partir. Allez-vous-en. Je veux avoir la paix. Compris ? À travers la porte, nous l'entendons encore Kitty à son ami. Quelle leçon pour toi, espèce de chiffre moelle. Nous entendons aussi le bruit d'une bagarre, des coups, le fracas de chaises renversées. Une chute, des cris, des allaitements, puis c'est le silence.